Jacques le Fataliste est un roman de Denis Diderot qui n'a ni chapitre ni partie. Quand le récit commence, le narrateur nous annonce qu'il va nous raconter, d'après un texte original, l'histoire d'un voyage entrepris par Jacques et son maître. Mais à mesure que le récit avance, le narrateur se met à interpeller le lecteur. Il le taquine, il lui demande de le remplacer, puis Jacques se substitue au narrateur si bien qu'on ne sait plus qui écrit, qui lit, ni qui raconte. Au fil des pages, on découvre des dizaines d'histoires qui concernent surtout les amours de Jacques, dont l'inoubliable et cruelle histoire de Madame de la Pommeraye, que j'ai hâte de vous faire entendre. 200 pages plus tard, on referme le livre en se disant qu'au-delà de la mise à mal souvent jouissive de la forme romanesque traditionnelle, on vient de lire un grand livre sur la liberté. Et comme le dit Michel Bouquet, quand Diderot traite un sujet, il le fait avec une poigne de fer imparable. S'il a une vertu dramatique comme auteur, Diderot, c'est véritablement une clarté d'esprit absolument aveuglante. Il faut s'appuyer sur cette qualité de Diderot particulière qui fait que quand il traite un sujet, il le traite avec une poigne de fer imparable. C'est-à-dire que ce qui n'a pas réussi dans son théâtre quand il a voulu écrire du théâtre, il l'a réussi en dehors du théâtre, dans Jacques le Fataliste ou dans La Religieuse. Il trouve sa force dans la dénonciation. Groucho Marx once said that the trouble with writing a book about yourself is you can't fool around. Groucho Marx a dit un jour que le grand problème quand on écrit un livre sur soi, c'est qu'on ne peut pas s'amuser avec les faits. Pourquoi ? Les gens s'amusent avec eux-mêmes tout le temps. Je suis Tristram Shandy, le personnage principal de l'histoire. Le premier rôle. Il s'en trouve pour dire que toute cette histoire n'a ni queue ni tête. Voilà pour la tête, celle du taureau de mon père, et quant à la queue, nous en reparlerons. Bonjour Gerhard Steinger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes à Nantes, je crois. Exactement, oui. Eh bien, magie de la radio, nous pourrons converser ce matin quand même. Vous êtes maître de conférences émérite en littérature française à l'Université de Nantes. Vous avez organisé cet été un colloque sur les morales de Diderot à Cerisy. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, Diderot, le combattant de la liberté, notamment aux éditions Perrin en 2013. Et Jacques le Fataliste, je crois, est votre livre préféré de Diderot ? Oui, et je vais vous faire une confidence. Quand il m'arrive d'avoir un coup de blues, comme tout un chacun, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre Jacques le Fataliste quelque part. Je lis quelques pages et je vais mieux. C'est un vrai régal de lecture que je ne peux que recommander à tous ceux qui, donc quelquefois... un coup de mou. Hein. Oui, ce qui arrive beaucoup ouvrez en ce moment. Jacques le Fataliste, hein, n'importe où, lisez 3, 4, 5 pages, laissez-vous entraîner par le récit, cette jouissance du récit, et vous allez voir, vous irez mieux. Et vous avez tout à fait raison, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse qu'on en parle ce matin, même si c'est très difficile de parler de ce roman sans queue ni tête, comme le disait le personnage de Tristram Shandy, dont on vient d'entendre un extrait, l'adaptation cinématographique par Michael Winterbottom, du texte de Tristram Shandy, de Laurence Sterne, qui est un contemporain de Diderot, et d'ailleurs, la légende dit, enfin c'est pas vraiment la légende, parce que Diderot l'admet quand même lui-même, il a sinon plagié, du moins quasiment recopié certains chapitres de Tristram Shandy pour son Jacques le Fataliste. Oui, c'est ça. Pas recopier les chapitres entiers, mais Diderot s'est très, très concrètement inspiré de certains passages de Tristram Shandy. Donc c'est un roman hein, qui a était publié entre 1759 et 1767, je crois, en plusieurs volumes. C'est un gros, gros roman. Et Diderot, donc, vers 1765, hein, a lu les livres 7 et 8. Diderot parle dans ses lettres à Sophie Volant, il raconte le plaisir de lecture qu'il a eu de Tristram Shandy. On peut dire peut-être que Tristram Shandy est le premier ou l'un des premiers anti-romans de l'histoire du roman. Et puis donc Diderot là-dessus, hein, il n'a pas plagié, on ne peut pas dire ça. Il a recopié quelques phrases. Il est parti d'un épisode particulier de ce roman et il a écrit le premier anti-roman de la littérature française. C'est Jacques de Fatalis. Anti-roman, vous dites ? Oui, c'est un anti-roman. Et d'ailleurs, les tenants du nouveau roman, donc il y a un demi-siècle, les Butor, Sarraute, Robbe-Grillet, se sont inspirés, ils l'ont dit, hein, ils ont beaucoup apprécié Diderot et en particulier Jacques le Fataliste. Nous avons une très longue introduction de Michel Butor aux œuvres complètes de Diderot qui ont paru il y a une cinquantaine d'années. Donc Diderot, vraiment, est à l'origine, presque à l'origine, du nouveau roman avec cette volonté qu'il avait de casser, hein, de déconstruire le récit traditionnel. Alors, le récit traditionnel, bien sûr, à l'époque de Diderot, ça n'est pas Balzac ou Flaubert, c'est le roman du XVIIe siècle. Et donc, et vous l'avez très bien dit, comment Diderot se prend-il pour déconstruire, pour casser le récit? Donc d'abord, il introduit un lecteur, hein, un lecteur qui pose des questions, et qui, en posant tout le temps les questions, interrompt tout le temps la narration. Mmh. La narration est interrompue du début jusqu'à la fin. Puis le narrateur, lui aussi, hein, interrompt la narration en faisant d'interminables digressions, en introduisant des personnages qui, eux aussi, racontent des histoires qui finissent ou qui ne finissent pas, etc. Mmh. Est-ce que vous voulez qu'on commence néanmoins par le début ? Parce qu'en fait, on pourrait quasiment commencer par le milieu, mais on peut essayer. On peut essayer par le début, on verra où le début, où notre entretien nous mène. Exactement. Mais à tout hasard, commençons. Commençons, voici les premières lignes de Jacques le Fataliste, lues par Denis de Podalydès, non pas Denis de Diderot. Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe. D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Où allait-il ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien. Et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Le maître. C'est un grand mot que cela. Jacques. Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Le maître. Et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria « Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret !» Le maître « Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien. » Jacques « C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy. De dépit, je m'enrôle, nous arrivons, la bataille se donne. Et tu reçois la balle à ton adresse. Vous l'avez deviné. Un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie ni boiteux. Jacques le Fataliste, ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie en compagnie de Gerhard Steinger qui est avec nous depuis chez lui. Le texte, vous l'avez bien dit, est absolument original, il ne ressemble à rien, il est très novateur, vous avez même employé le terme d'anti-roman. Et pourtant, quand on entend ces premières lignes, alors certes, les premières questions peuvent surprendre, mais la scénographie et même, disons, la dramaturgie n'a rien de surprenant. On a un personnage et son maître, ce qui est assez classique dans la fiction de l'époque, même si on remonte avant, c'est ce qui se passe dans Don Quichotte, c'est ce qui se passe chez Molière, je pense à Sganarelle et Don Juan. Ce n'est pas le caractère novateur qui transparaît dès ces premières lignes aussi. Quand même, est-ce qu'un roman d'habitude commence par une question ? Hein, comment s'était-il rencontré ? Là, les premières questions surprennent. Qui parle ? Oui, et qui parle ? On ne sait pas au début qui parle. Alors c'est, il faut continuer un petit peu la lecture pour comprendre que la première question est posée par le lecteur. Alors quel est le roman avant Diderot qui introduit ainsi le lecteur dans la narration? Donc ici nous avons un dialogue au tout début entre le lecteur, entre le narrateur. Le lecteur pose des questions, le narrateur répond de manière plus ou moins cavalière. Ensuite, ces questions basculent vers la narration. Le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Après, la narration, qui vient tout juste de commencer, bascule dans une série de répliques comme au théâtre. Le maître, c'est un grand mot que cela, Jacques, mon capitaine, a ajouté, le maître, et il avait raison. Et après cette timide ébauche de dialogue théâtral, le récit reprend ses droits. Après une courte pause, Jacques s'écria que le diable emporte le cabaretier son cabaret. Et puis, on rebascule dans le dialogue théâtral. Malheureusement, Denis Podalides n'a pas lu. Ah, il pouvait pas lire tout le texte. Hein. Le maître, pourquoi donner au diable son prochain? Jacques, c'est que, tandis que j'ai mon livre, le maître, et tu reçois la balle à ton adresse, et ainsi de suite. Donc, c'est une narration désarticulée, qui peut désarçonner aussi le lecteur. Un lecteur qui est habitué aujourd'hui aux romans de Balzac, de Flaubert, de Dostoïevski, etc. Un roman classique, Mais en même temps, ça procure un régal de lecture. Et c'est ça qui est l'aspect novateur. Mais je voudrais, si vous le permettez, insister sur quelque chose qu'on passe généralement sous silence. Allez-y. Le roman, vous avez dit, c'est Jacques le Fataliste. Non. Le titre en entier, c'est Jacques le Fataliste et son maître. Dans le titre, il y a deux personnages. Le premier a un nom, c'est Jacques, c'est le personnage principal. Et on apprend en outre qu'il est fataliste, donc assujetti au destin. Et puis il y a le deuxième personnage, qui n'a pas de nom, il est réduit à son statut, c'est le maître de Jacques. Donc le titre fait état d'une double soumission des personnages principaux. Soumission philosophique ou religieuse d'un côté, c'est la croyance au fatalisme, et puis servitude sur le plan social de l'autre côté. Il y a un rapport de domination entre le maître et son valet. Et le roman, et vous l'avez dit, le roman va montrer que Jacques n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni le jouet du destin, ni celui de son maître. La position... Donc, oui, allez-y. Non, voilà, c'est quand même important de citer le titre en entier, oui, malheureusement. Vous avez raison. Mais c'est en cela que je vous disais qu'il n'y avait que cet aspect-là n'était pas forcément novateur, que le duo maître et valet était quelque chose d'assez classique. Bien sûr, vous avez cité Sancho Panza et Don Quichotte, le maître et Jacques, c'est classique, mais c'est la manière de raconter, c'est la manière de raconter qui est totalement novatrice pour l'époque, même si Diderot s'inspire de Tristram Shandy. Alors, on va écouter, si vous êtes d'accord, un deuxième extrait de Jacques le Fataliste et son maître. Vous avez raison, prononçons le titre en entier, histoire de donner à entendre un autre aspect, une autre dimension du texte lui-même, et peut-être qu'il va nous permettre de préciser pourquoi je disais en début d'émission qu'une fois le texte refermé, quand on l'avait lu en entier ou même par morceaux, eh bien on avait la certitude d'avoir lu un grand texte sur la question de la liberté, est-ce à dire qu'il y a une dimension philosophique derrière la stratégie qui consiste à désosser l'armature traditionnelle du roman. Nous allons donc écouter ce deuxième extrait. Le voici. Jacques ne connaissait ni le nom de vice, ni le nom de vertu. Il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots récompense ou châtiment, il haussait les épaules. Selon lui, la récompense était l'encouragement des bons, le châtiment, l'effroi des méchants. Qu'est-ce autre chose, disait-il, s'il n'y a point de liberté et que notre destinée soit écrite là-haut? Il croyait qu'un homme s'acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne. Et que, si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire. D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien. Cela n'était pourtant pas vrai. Il se conduisait à peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur pour qu'il lui fît encore du bien. Il se mettait en colère contre l'homme injuste, et quand on lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qu'il a frappée, « Nenni, disait-il, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas. L'homme injuste est modifié par le bâton. » J'appelle libre une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature. Contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. Et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Gerhard Stenger, lorsque Diderot, à travers le personnage de Jacques, prend l'exemple d'un homme qui s'acheminait, dit-il, aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie, qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne, il fait référence, explicitement ou non, à la lettre à Schuller de Spinoza qui date de 1674, dans laquelle Spinoza, vous l'avez entendu, j'en ai lu un extrait, prend l'exemple d'une pierre qui, si elle était consciente d'elle-même, se croirait libre alors qu'elle n'est que son mouvement n'est que le résultat de causes extérieures qui induisent donc son mouvement et que la liberté humaine alors ne serait qu'une illusion. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux textes ? Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. C'est un texte qui est extrêmement dense. Et je voudrais juste dire que, avec tout le respect que je lui dois et toute l'admiration que j'ai pour lui, Michel Bouquet, qu'on a cité au tout début de l'émission, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Oui. Michel Bouquet a dit en substance que le théâtre de Diderot est incompréhensible, alors que le roman est très clair. Moi, je pense que c'est vraiment exactement le contraire qui est vrai. Rien de plus compréhensible que le théâtre, que les deux pièces de Diderot, le fils naturel, le père de famille. Diderot veut démontrer une thèse, et c'est en cela que ce théâtre est peu apprécié. Diderot démontre une thèse. La thèse, c'est que être vertueux contribue au bonheur non seulement d'autrui, mais à son propre bonheur. Et cette thèse-là, il la démontre de manière encore plus claire que le théâtre moderne de Sartre, etc., où on démontre une thèse. Alors que dans le roman dans Jacques le Fataliste, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce que Diderot veut réellement dire. Et tout d'abord, ce fatalisme. Qu'est-ce que le fatalisme ? Vous avez cité la lettre à Schuller de Spinoza, qui date de 1700, enfin, qui a été publiée l'année de la mort de Spinoza dans les œuvres posthumes, 1677, et qui a été connue en France, dans une traduction française, celle que vous avez lue, en 1737. Bon, ça c'est pour les historiens de la philosophie, mais je voudrais revenir tout d'abord au fatalisme. Qu'est-ce que le fatalisme ? Jacques, le fatalisme. Alors, pour le lecteur lambda du XVIIIe siècle, le fatalisme ne se réfère pas à Spinoza, mais c'est le fatalisme à la turque, comme on dit. Hein, c'est le fatalisme musulman. Le fatalisme musulman affirme que tout l'avenir est écrit d'avance sur un livre. Tout ce qui existe, tout ce qui existera dans l'univers a été déterminé depuis l'éternité par Allah. Et ce qu'Allah a écrit sur le livre se réalisera toujours. C'est Mektoub. Mektoub. Mektoub, c'est écrit. Dans Jacques le Fataliste, le livre sur lequel l'avenir du monde a été écrit correspond au grand rouleau auquel le héros se réfère chaque fois que quelque chose de bien ou de mal lui est arrivé. C'est la phrase du début du roman. Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Mektoub. Donc nous sommes en présence là d'un fatalisme religieux qui repose sur la croyance dans une transcendance. Allah, Dieu, tout ce que vous voulez. Or, Jacques ne se réfère pas au fatalisme à la turque, qui d'ailleurs n'est pas très éloigné de la prédestination chrétienne, de la providence. Jacques se réfère à celui de son capitaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend plus loin dans le roman. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ses opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza, qu'il savait par cœur. Donc ça nous conduit sur l'autre piste, le spinozisme. Pour Spinoza, et notamment dans la lettre à Schuller que vous avez citée, le monde est une concaténation de causes et d'effets. Par conséquent, le monde ne peut être autre que ce qu'il est. Et dans cette optique, ce qui doit arriver arrive nécessairement et on ne peut pas échapper à son destin. Et c'est ce que Jacques explique à son maître. Il faudrait qu'il y eût une ligne fausse sur le grand rouleau qui contient vérité, qui ne contient que vérité et qui contient toute vérité. Il serait écrit sur le grand rouleau, Jacques se cassera le cou tel jour, et Jacques ne se casserait pas le cou. Concevez-vous que cela puisse? Alors pour le philosophe des Lumières, pour Diderot, donc le fatalisme n'est pas une croyance religieuse, mais désigne de manière plus prosaïque l'enchaînement nécessaire des causes et des effets. Ah oui, ça c'est très différent du sens qu'on lui confère aujourd'hui. Voilà. À l'époque, je veux dire, fatalité et déterminisme sont synonymes. Voilà, et c'est pour ça que j'écris, que je dis qu'on a souvent, au début, très mal compris le roman parce qu'on a dit, bon, fatalisme, aujourd'hui, le fatalisme, c'est pas du tout ça. Il existe un nom pour le fatalisme du XVIIIe siècle, pour le fatalisme de Diderot, c'est le déterminisme. Mmh. Le déterminisme est un mot, donc le substantif, qui a été forgé en Allemagne, je crois par Kant, et qui ensuite, en français, déterminer, le verbe existait déjà, mais le substantif, la notion philosophique et scientifique de déterminisme, et surtout dans la version laplacienne, le déterminisme dit universel, a été ensuite plaqué rétrospectivement sur le fatalisme du XVIIIe siècle, mais ça n'est pas la même chose. Alors, vous avez dit laplacienne, précisons, ça vient du mathématicien Laplace, on connaît le démon de Laplace au XIXe siècle, qui pose que si on connaît un élément du monde, ça nous permet de connaître le monde dans son ensemble, parce qu'on pourrait remonter de la cause à son effet, au fond. Exactement, le monde, l'univers est une immense machine, une machine est prédictible, et donc Laplace dit, imaginons un démon, alors aujourd'hui on pourrait dire un ordinateur super puissant, qui connaîtrait l'état actuel de l'univers. Et par un simple calcul, il pourrait par exemple calculer le jour, le moment précis où Jules César a perdu sa première dent de lait. Il pourrait aussi calculer l'avenir, le jour exact, le moment où je mourrai, parce que tout s'exerce de manière nécessaire dans l'univers, qui est une grande machine, et c'est ça qui est important. Ce déterminisme laplacien, déterminisme universel, mais aussi le déterminisme des scientifiques, est caractérisé par sa prédictibilité. Prédictibilité. L'univers est prédictible. Alors que, là je reviens au fatalisme de Diderot, le fatalisme de Diderot tel qu'il est précédent Jacques le Fataliste, mais qui n'est pas exactement celui de Jacques. Hein, il ne faut pas confondre Jacques et son maître. Jacques est plutôt du côté, parfois, hein, dans certains passages, Jacques est du côté du fatalisme à la turque. C'était écrit là-haut. Alors que dans d'autres endroits, et quand on entend la voix aussi du narrateur, ce n'est pas du tout la même chose. Le fatalisme de Jacques, le fatalisme de Diderot, n'est pas le déterminisme, et surtout pas le déterminisme laplacien, le déterminisme universel. Hein, Diderot n'est pas déterministe. Les phénomènes de la nature s'expliquent par des causes antécédentes. Mais ils ne sont pas pour autant soumis à une causalité qui permettrait de les prédire. Ça, c'est très important, ce que la distinction vous êtes en train de faire. Et c'est ce qu'on trouve à la fin du texte qu'on a entendu. Hein. La pierre mordue par les chiens ne se corrige pas, l'homme injuste est modifié par le bâton. Il y a une possibilité de modification de l'homme dans ce déterminisme. Voilà, c'est très important. Hein. Nous ne sommes pas des marionnettes. Notre destin n'est pas écrit d'avance. Nous sommes modifiables. Alors, je voudrais revenir, si vous voulez, au début du texte, parce qu'il est vraiment très important. Nous l'avons entendu, Jacques est tombé amoureux, hein, c'est ce qu'on apprend, par un coup de feu au genou. Alors, par peut signifier à cause de, ou par la suite. Alors, il est devenu boiteux à cause du coup de feu reçu au genou. Mais, et puis il y a un lien évident dans la cascade des événements qui s'enchaînent les uns les autres à partir du coup de feu. Sans ce coup de feu initial, la vie de Jacques aurait certainement pris une autre tournure. Mais faut-il conclure pour autant que Jacques était destiné à rencontrer Denise, qu'il a épousé Denise à cause de la blessure au genou? Si Jacques ne s'était pas disputé avec son père, il n'aurait pas été blessé à Fontenoy. Sans sa blessure au genou, il n'aurait pas rencontré Denise. Mais les différentes étapes qui ont abouti à leur rencontre et au mariage étaient dues au hasard. Elles étaient parfaitement imprévisibles, non prédictibles. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard. Par hasard. Tout le monde. Hein? Diderot veut bien que les événements découlent les uns des autres, et de manière lâche. Comme, ça aussi, hein, on l'a lu au début du texte, comme le chaînon d'une gourmette. Sinon, si tout était prêt, si Jacques était tombé amoureux, s'il avait épousé Denise, comme on l'apprend à la fin du roman, à cause de la blessure au genou, ça serait la même chose que dans le roman de Voltaire, Candide a pris un coup de pied au derrière au premier chapitre. Et Pangloss affirme que c'est à cause de ce coup de pied au derrière qu'il mange de ses draps et des pistaches quelques années plus tard dans son jardin. Donc, bien sûr, tout se tient dans l'univers, tout s'y trouve lié par une chaîne continue, mais la nécessité ne s'étend pas également au tout. Alors, il existe une rupture dans la... Et c'est ça qui rend le roman génial, parce que le roman va mettre en scène des personnages qui vont illustrer ces thèses-là. Et je vous propose qu'on prenne un exemple pour être vraiment concret, Gerhard Steinger, c'est Diderot qui nous le fournit. L'exemple de Madame de la Pommeraye, qui pense tout pouvoir prévoir. Est-ce que vous voulez nous le raconter? Et puis on écoutera un extrait ensuite qui viendra illustrer ce qui se passe. Comme vous le savez, cet épisode, hein, qui se situe au milieu du roman, est raconté, même s'il y a quelques interruptions, quand même raconté plus ou moins comme un roman traditionnel. Dans cet épisode, qui est raconté par l'hôtesse d'un hôtel, donc nous avons deux personnages principaux, c'est Madame de la Pommeraye, une veuve, et le marquis des Arcis, qui la courtise. Madame de la Pommeraye tient à sa réputation, elle ne veut pas passer pour une libertine, elle résiste au marquis pendant un certain temps, mais elle en est quand même tombée amoureuse, elle finit par céder, et pendant un certain temps, donc, Madame de la Pommeraye et le marquis des Arcis vivent comme un couple heureux, et puis le marquis commence à s'ennuyer, commence à regarder de droite et de gauche, Madame de la Pommeraye s'en rend compte, il y a une explication, le marquis des Arcis lui dit, mais c'est vrai, bon, je suis devenu un peu moins amoureux. Là, Madame de la Pommeraye est profondément blessée, et l'on ne laisse rien transparaître, et elle va tendre un piège au marquis des Arcis. Elle va avoir recours à une jeune femme, une prostituée, mais de bonne famille, une jeune femme qui se prostitue, et elle va tout faire pour que le marquis d'abord tombe, rencontre cette femme, mais tout est écrit d'avance, écrit, organisé par Madame de la Pommeraye. Donc le marquis des Arcis la rencontre, il en tombe amoureux, et il finit par l'épouser. Le marquis des Arcis n'a pas épousé Madame de la Pommeraye, mais il finit par épouser cette mademoiselle jeune femme, Denon, qui est tombée amoureux, mademoiselle Denon, et tout, encore une fois, tout a été machiné par Madame de la Pommeraye jusqu'au moindre détail. Et ensuite, c'est ça la vengeance, cette terrible vengeance. Après les noces, Madame de la Pommeraye arrive et lui dit, vous savez, qui vous venez d'épouser, c'est une prostituée. Et là, le marquis des Arcis, évidemment, il est détruit. Il quitte le château après le mariage, et puis il revient, 3 semaines plus tard, il revient. Alors sa femme, elle lui demande de l'enfermer dans un couvent, elle s'excuse, mais le marquis des Arcis appelle ma femme, Madame des Arcis, Madame la Marquise. Mmh. Il y a un dialogue, enfin pardon, un monologue absolument fabuleux, où il la reconnaît comme sa femme, et il furent heureux et vécurent heureux. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants. Oui. Donc, à ce moment-là... c'est Madame de la Pommeraye qui est prise à son propre piège. Qui a tout prévu jusqu'au moindre détail. Tout est arrivé comme elle l'avait prévu, sauf la fin. Voilà. Et alors, ne correspond pas du tout à son plan. Le marquis est heureux avec cette ancienne prostituée. Mais alors, pour vous donner une idée de la manière qu'elle a de fonctionner, cette Madame de la Pommeraye, c'est vraiment génial. On va écouter un extrait de l'adaptation du roman, librement adapté, hein, Les Dames du Bois de Boulogne. C'est un film de Robert Bresson. Et écoutez comment on entend Madame de la Pommeraye pour essayer de tester l'amour du marquis, parce qu'elle sent bien qu'il l'aime moins, mais elle n'ose pas lui dire. Elle va faire comme si elle-même l'aimait moins, dans l'espoir qu'il lui dise « mais non », ou alors « quelle horreur, vous m'aimez moins alors que moi je vous aime ». Et finalement, tout le discours qu'elle tient pour essayer de le convaincre de son absence d'amour, qui est feinte, eh bien va là déjà se retourner contre elle. Écoutez, c'est magnifique, on entend Maria Cazares dans le rôle de Madame de la Pommeraye. Ne vous faites pas de reproches. Nous avons tous des reproches à nous faire. Des reproches, toi? Moi. Raconte. Depuis quelque temps, j'hésite à vous dire quelque chose. Je craignais de vous faire du mal. Du mal, toi? Eh bien, voilà, Jean. C'est arrivé peu à peu, malgré moi. Sans que je puisse me rendre compte. Je ne riais plus, je ne dormais plus, je me demandais si cela venait de vous, non. Vous êtes pareil et merveilleux comme d'habitude. Vous êtes pareil et moi je change. Je m'interroge, je me répète, pourquoi n'ai-je plus la même impatience? Pourquoi est-ce que je ne souffre plus de l'attendre? Pourquoi n'ai-je plus un coup quand il arrive? L'ascenseur qui monte ne me bouleverse plus. Hélène. La découverte est affreuse. Mais je vais être franche. Mon cœur se détache de vous. Hélène, vous êtes merveilleuse. C'est vous qui avez parlé la première, c'est moi qui ai été coupable le premier. L'histoire de votre cœur est, mot pour mot, la triste histoire du mien. Tout ce que vous avez dit, je me le suis dit. Mais je me taisais, je souffrais, je n'osais pas vous en ouvrir la bouche. Quelle leçon! C'est vrai? C'est vrai. Et félicitons-nous. Il eût été atroce d'aimer plus longtemps l'un que l'autre. Oui, atroce. Maria Cazares et Paul Bernard qui jouent le personnage de Jean qui correspond au marquis des Arcis dans Jacques le Fataliste. Alors c'est la première d'une longue série de manipulations. Finalement, le personnage de Madame de la Pommeraye, Gerhard Stenger, qui tente de se mettre peut-être à la place de Laplace, justement, qui serait peut-être un démon en devenir, va essayer de tirer profit de la nécessité de l'inconstance qui gouverne le marquis, ça va se retourner contre elle. C'est une manière de montrer les limites du déterminisme. Voilà, bien sûr. Il faut dire quand même, ce qui confirme un petit peu la thèse fataliste, que nous-mêmes, vous, moi, tout le monde, on agit souvent comme des automates. Hein. Nos actions, souvent, sont plus ou moins prévisibles. Les hommes se laissent guider par leurs instincts, et nous, donc il y a quelque part dans un texte de Diderot une image très belle, il dit à D'Alembert, du matin au soir, vous agissez comme un automate, on fait les choses de manière instinctive, etc. Donc évidemment, quand on connaît les gens, on arrive à les manipuler. Mais cette manipulation a des limites. Et on le voit dans le texte dans cet épisode de Madame de la Pommerée, mais cette histoire de Madame de la Pommerée ne se résume pas à cette fin, surprenante bien sûr. Il y a aussi un jugement à porter. Et cette histoire a été adaptée au cinéma une deuxième fois il y a quelques années. Mademoiselle de Jonquière. Mademoiselle de Jonquière. Ouais, le film d'Emmanuel Mouret. C'est un film que j'ai bien aimé. Hein, et qui se termine, comme se termine l'histoire dans Jacques le Fataliste, par cette fin heureuse, par la défaite de Madame de Pommerée. Le film se termine là. Et le metteur en scène, il pouvait sans doute pas faire autrement, a quelque part trahi Diderot. Emmanuel Mouret. Oui, parce que dans le roman, cette histoire ne s'arrête pas la fin. Ça continue, il y a un débat ensuite. Hein. Et c'est le narrateur qui prend la parole ensuite, après la fin de l'histoire racontée par l'auberge du Grand Cerf. Le narrateur s'adresse à son lecteur et lui dit « Vous entrez en fureur au nom de Madame Le Pommeret et vous vous écriez « Ah, la femme horrible! Ah, l'hypocrite! Ah, la scélérate !» Point d'exclamation, point de courroux, point de partialité, raisonnons. Donc, il y a, après l'histoire, il y a un débat. Diderot discute. Est-ce que Madame de la Pommerée est bonne ou méchante? Et c'est ça qui manque au film. Il n'y a pas le débat. On a tout juste l'histoire. Et ensuite, bien sûr, le spectateur est invité. Même pas invité, mais le spectateur qui a vu le film, il réfléchit ou il ne réfléchit pas à l'histoire, à ce qu'il vient de voir, aux personnages, sont-ils bons, sont-ils méchants, hein. Alors que dans le texte Diderot, dans Le Fataliste, il y a un débat. Diderot discute avec son lecteur. Non, et ça manque, malheureusement. Non, et c'est très important. Non seulement il y a un débat, mais il y a surtout une absence de fin, où plus précisément, le narrateur va proposer au lecteur de choisir sa propre fin. C'est un peu le roman dont vous êtes le héros. Il en propose trois et c'est au lecteur de choisir avec quoi il veut terminer. Oui, ça c'est à la fin de Jacques le Fataliste. Effectivement, le lecteur propose trois fins et c'est au lecteur de choisir celle qu'il préfère. Il lui donne des indications, mais donc c'est très ouvert. Hein. Jacques le Fataliste et son maître est un roman de la liberté. Avant de revenir au fatalisme et au deuxième extrait qu'on a entendu, je voudrais dire aussi que, bon, dans le titre, il y a aussi le maître de Jacques, qui se croit libre d'ailleurs, qui ne l'est pas, parce que le maître, lui, du début jusqu'à la fin, il agit comme un automate. Il y a, à l'intérieur du roman, du début jusqu'à la fin, il y a l'histoire des amours de Jacques qu'il n'arrive jamais à raconter, mais il y a aussi, en l'espace de quelques pages, l'histoire des amours du maître. Mmh. Le maître, lui, arrive à raconter son histoire en quelques pages. Et Jacques, à chaque fois, il l'interrompt de temps en temps pour dire ce qui va se passer. Parce que tout est prévisible du début jusqu'à la fin. Dans l'histoire de Jacques, avant de rencontrer Denise, rien, mais vraiment rien n'est prévisible. Alors que dans l'histoire du maître, tout est prévisible parce que le maître agit comme un automate. Comme il est dit quelque part dans le texte, il se laisse aller, c'est un automate. Mmh. La question quand même se pose... Dès le le maître donc, agit comme un automate. Il n'est pas libre du tout. Hein. Il est tout ce qu'il fait et dit est prévisible, mais c'est le maître. Mais quand même, à l'intérieur du roman, à peu près au milieu d'ailleurs, hein, il y a un débat, une dispute éclate entre le maître et Jacques. Et comment se termine cette dispute ? Par un proverbe, Jacques mène son maître. Donc en réalité, le maître est le valet de Jacques, et Jacques est le maître du maître. Donc il y a un renversement, on peut dire si on veut, politique, hein, que finalement ce sont c'est le maître qui prend le pouvoir, pardon, c'est Jacques qui prend le pouvoir sur son maître. Mais ouais, mais donc, juste un mot, voilà, liberté. Mais liberté, ça veut dire quoi, liberté dans un monde déterminé, même dans le sens que Diderot accorde à ce terme de déterminisme ou à son matérialisme. Qu'est-ce qui reste de la liberté sans libre arbitre ? Ça change tout, mais ça change tout quand même. Hein. Nos actions ne sont pas prévisibles. L'homme n'est pas une boule qui roule sur un plan incliné. D'ailleurs, Spinoza ne l'entendait pas comme ça. Mais il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Quand on dit que l'homme n'est pas libre, quand Spinoza, quand Diderot dit que l'homme n'est pas libre, il parle du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? Le libre arbitre n'est pas du tout synonyme de liberté. Hein, quelquefois, on emploie le terme libre arbitre pour faire intelligent. Non, le libre arbitre, c'est quelque chose de très précis. C'est la liberté de la volonté, la liberté de choix. Vous avez le choix entre A et B. Et selon la doctrine du libre arbitre, qui est la doctrine officielle de la religion catholique, votre volonté au moment de choisir est entièrement libre. Bon, bien sûr, votre volonté est assaillie en quelque sorte par des passions, par des préjugés, mais au moment où vous choisissez, vous êtes entièrement libre de choisir entre A et B, entre le bien et le mal, être vertueux ou être vicieux. Et par voie de conséquence, une fois que vous avez choisi, vous serez récompensé ou puni. Hein, c'est comme ça que ça marche dans la plupart des religions. Mais ça ne peut marcher que si la volonté de l'homme est libre. Et la volonté de l'homme, remontons en arrière, le premier homme, Adam et Ève, les deux premiers êtres humains, ils ont péché, mais ils ont librement péché. Et c'est pour cela que Dieu les a punis. Si on disait Adam, elle aurait pu dire d'ailleurs, ben, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui a voulu que je croque la pomme. C'est quand même ma femme, j'ai obéi. Ève, elle pourrait dire, ben, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a promis la beauté éternelle. Alors, quand on me promet la beauté éternelle, ben, forcément, je vais pécher. Donc, si Adam et Ève n'ont pas péché librement, mais étaient déterminés en quelque sorte par leur choix. Si Adam et Ève étaient comme une boule qui roule sur un plan incliné, là, Dieu ne pouvait pas les punir. Oui, il y aurait pu pécher. Donc, il est très important d'affirmer la liberté de la volonté. Sauf que le fatalisme, au XVIIIe siècle, nie la liberté de la volonté. D'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a aussi le jansénisme, mais bon, ça nous mènerait trop loin. En tout cas, nier la liberté de la volonté ne signifie pas que l'homme est une marionnette, hein, qu'il est prédestiné à vivre et à agir de telle ou telle manière. L'homme n'est pas un rouage dans une immense machine. Donc, quand Diderot affirme que nous ne sommes pas libres, cela signifie que nous sommes façonnés par notre nature, c'est-à-dire notre caractère, notre tempérament, notre cerveau, etc., on appelle sa nature, l'organisation, ainsi que par notre histoire. Autrement dit, l'éducation reçue, les circonstances de notre vie. Donc, la complexité des déterminations physiologiques, psychologiques, sociales, ces déterminations que subit tout individu rend illusoire la prétention à les réduire à une marionnette docile, un automate dont les mouvements seraient idéalement prédictibles. Nous sommes, écrit Diderot dans le passage qu'on vient d'écouter, hein, nous sommes heureusement ou malheureusement nés. C'est-à-dire, les uns ont eu la chance d'être nés avec une volonté forte, des talents artistiques ou intellectuels, d'avoir grandi dans un milieu favorable. Et bien, d'autres n'ont pas eu cette chance. Mais chaque homme est le résultat unique. Comme dit Jacques dans le roman, la cause une. Chacun est une cause une. Le résultat unique de caractère inné et acquis. Chacun, chaque homme agit en fonction de ses potentialités qui sont donc le produit de son organisation, de ses gènes si on veut, de son environnement, hein, l'éducation, les milieux, etc., et de son histoire personnelle. Et c'est cela qui fait de chaque homme une cause une cause extrêmement complexe et qui n'est pas prévisible, qui n'est pas prédictible. Je ne dis pas que je sois plus libre que les autres par rapport au déterminisme, hein. Moi, je dis toujours, j'emploie la métaphore des stoïciens qui disaient le premier mouvement, on n'en est pas responsable, on est responsable du deuxième mouvement. Hein. Bon, c'est vrai que les pulsions de l'habitus, les pulsions liées aux intérêts associés à une position dans l'espace intellectuel, bon, sont très fortes et elles continuent à agir, hein, pour si lucide et contrôlé qu'on puisse être. Bon, cela dit, on a des chances tout de même d'abord de les comprendre quand elles sont plus fortes, on a parfois des chances de les arrêter. Autrement dit, je peux me servir de la sociologie pour me libérer des effets sociaux qui s'exercent normalement sur les sociologues. Voilà. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Pierre Bourdieu, Gerhard Stenger, c'était une archive du 23 juin 1990, qui affirme à sa façon s'être émancipé en partie du déterminisme grâce à l'étude des causes qui le déterminent. On n'est pas très loin de ce que dit Diderot, me semble-t-il. Exactement, exactement. Cela prouve une fois de plus la modernité de Diderot. Diderot qui a réellement été compris, hein, seulement au XXe siècle. Ah oui? Et Diderot le savait. Oui, Diderot le savait. Diderot écrivait pour la postérité. Et c'est seulement 200 ans plus tard, à partir du milieu du XXe siècle, qu'on a commencé réellement, de manière sérieuse, à étudier Diderot. Et le temps était prêt, hein, à vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Ben, la preuve, c'est Bourdieu disait très bien ce que Diderot avait déjà prévu. Diderot a prévu, senti, hein, beaucoup de choses. Diderot n'a pas été, par exemple, un précurseur, hein, de Darwin, mais Diderot a quand même introduit une espèce d'évolution dans l'histoire, hein. Le monde a une histoire, les êtres ont évolué, hein, même si, encore une fois, Diderot n'a pas été le précurseur ni de Lamarck ni de Darwin, mais il a pressenti beaucoup de choses, et cela a été compris seulement depuis environ les années 40-50 du dernier siècle. Comment vous expliquez qu'il ait fallu 200 ans pour le comprendre ? Parce que Diderot, bon, c'était pas le seul, mais Diderot était en avance sur son temps. Ensuite, il y a eu la Révolution. La Révolution qui a complètement bouleversé le paysage non seulement politique, mais aussi intellectuel de France. Après la Révolution, il y a eu une réaction, hein, au niveau politique, ça a été la Restauration, d'abord ça a été Napoléon, puis la Restauration, mais aussi une réaction intellectuelle contre les causes prétendues ou réelles de la Révolution, la philosophie de Lumière. Il y a une réaction contre les Lumières. Je vous rappelle que Chateaubriand, en 1802, a publié « Le génie du christianisme ». Hein. Voltaire devait se retourner dans sa tombe. Et que disait Chateaubriand en bref ? Le christianisme est vrai parce qu'il y a les cathédrales. Il y a un retour en arrière fabuleux à partir du début du XIXe siècle. Les philosophes de Lumière, pas seulement Diderot, mais aussi d'Holbach, Helvétius et beaucoup d'autres, sont tombés dans un oubli profond. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on a commencé à redécouvrir, d'abord, qu'on a publié les œuvres complètes de Diderot, qui n'étaient pas complètes, et puis au XXe siècle seulement, et tout d'abord, hein, grâce aux marxistes. Ce sont les marxistes qui ont redécouvert, si on peut dire, la philosophie de Diderot, parce qu'il trouvait que Diderot était proche, et effectivement, ouais. Diderot était... La philosophie de Diderot, c'est le matérialisme. Le marxisme prône une philosophie matérialiste. Engels et Marx se sont reconnus dans Diderot, dans ceux qu'ils connaissaient du Diderot, hein, parce qu'ils ne connaissaient pas tout Diderot, loin de là. Mais c'est ainsi que les marxistes, qui se sont donc cherchés des précurseurs, ont découvert Diderot, ont commencé à étudier Diderot, et ainsi de suite. Donc c'est, là, nous sommes au XXe siècle, une autre cause hein, dans l'enchaînement de la redécouverte de Diderot, ça a été la découverte des manuscrits de ce qu'on appelle le faux Wendel, qui a été découvert par un chercheur allemand, Herbert Dieckmann, qui a ramené ce fonds aux États-Unis, qu'il a étudié, qu'il a photocopié, qu'il a fait une publication très importante. Donc vous voyez, il y a des raisons intellectuelles, notamment grâce au marxisme, il y a aussi des raisons découvertes des manuscrits, des raisons purement qui sont dues au hasard, pourrait-on dire, qui ont fait que, avec l'irruption de la science moderne, qu'on a commencé vraiment à apprécier, à étudier, à comprendre et à apprécier Diderot. C'est passionnant. Allez-y, un dernier mot, on arrive au terme de l'émission. Un dernier mot, oui. En 1984, il y a eu un grand colloque international à l'occasion du bicentenaire de la mort de Diderot. 1984, c'est vraiment la date où on prend acte de la modernité, de l'importance de Diderot dans tous les domaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que Diderot est un homme de lettres, c'est-à-dire c'est quelqu'un aujourd'hui, hein, qui a écrit romans, des contes, mais Diderot, c'est aussi l'encyclopédiste, c'est la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qu'on l'appelle bien à tort. Diderot, c'est le philosophe, maintenant, le matérialiste, athée, mais Diderot, c'est aussi, nous avons des écrits politiques qui sont très importants. Alors, bon, je suis... Un dernier mot, allez-y. Je suis d'origine autrichienne, mais j'habite à Nantes. Il y a quelques années, on a inauguré à Nantes un mémorial, le mémorial de l'esclavage. Et il y a beaucoup de textes qui accompagnent et qui expliquent ce mémorial. Il n'y a aucun texte du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a été complètement effacé, alors qu'il y a un texte formidable de Diderot contre l'esclavage, où Diderot appelle à la naissance un Spartacus noir. C'est incroyable. Ouais. Ce que Diderot a écrit, il est, contrairement aux gens qu'en vieillissant, on dit généralement qu'on devient conservateur, Diderot, lui, est devenu révolutionnaire. Les derniers Merci écrits de Gerhard Diderot Tinger. Sont des écrits Je suis obligée de vous interrompre, je suis désolée. Ouais. Il faut qu'on s'arrête, sinon on va prendre un retard considérable. Je vous remercie infiniment de cette transmission de votre enthousiasme à la lecture de Diderot et je renvoie à la lecture de vos ouvrages, on les mettra en ligne sur le site de France Culture, et puis Jacques le Fataliste et son maître, on les trouve en Garnier Flammarion. Vous reviendrez nous en parler plus longuement, j'espère. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, Adèle. À bientôt. On se quitte avec La Destinée, évidemment, une reprise de la chanson de Guy Marchand par Malakhit. Destinée. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés. Inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. Et oui, la destinée, c'est aussi de retrouver tous les jours la question philo d'Aurélien Bélanger sur France Culture, les chemins de la philosophie. La voici. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. L'univers fait-il le bruit d'une baleine ? Alors, c'était à peu près l'argument d'un film, le quatrième Star Trek sorti en 1986. La Terre, dans le futur, est menacée par une entité spatiale dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle émet des bruits qui ressemblent à ceux d'une baleine, animal depuis longtemps disparu. Alors, à la recherche d'un interprète, l'Enterprise retourne alors dans le passé et repart dans le futur avec deux baleines sauvées in extremis dans la mer. Alaska, un court dialogue dont nous ne saurons rien à leur lieu entre les cétacés spatiaux et l'entité hostile renonce finalement à conquérir la Terre. On n'en saura pas plus. En fait, s'agissait-il de l'esprit vengeur d'une baleine venue harponner la Terre ? J'oublie de dire que je n'ai pas vu ce film, je n'en connais que le résumé, mais cela suffit à faire de ces baleines flottant dans l'espace l'un des plus beaux mythes que je connaisse, ceci expliquant peut-être cela. Et je me disais que si l'écologie avait la moindre chance de nous sauver, c'était justement en allant puiser dans ce genre de mythe sa substance. L'écologie doit relever aussi du merveilleux technique et pas seulement de l'épure puritaine. Revenir à cette autre source qui ne serait pas l'extase rousseauiste, mais ces joyeux bricolages du XXe siècle finissant. Je suis certain qu'il y a ainsi une source spirituelle pour l'écologie de demain à trouver à côté de Greta Thunberg, celle de Bill Gates par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ben, je suis par exemple fasciné par la façon qu'a Bill Gates, VRP improbable des toilettes sèches et des réacteurs nucléaires portatifs, d'articuler, parce que c'est l'un des derniers à le faire encore, à articuler l'impératif écologique en langage technique. Autrement dit, à parler de la fin du monde au lecteur de Science et Vie. Je me suis justement fait cette remarque devant la table écologie de la librairie Gibert. Toute cette littérature d'une extrême finesse sur la grande crise que nous sommes en train de vivre ne représente probablement, en termes de vente, que la moitié de celle que le moindre pamphlet techno-optimiste d'un Laurent Alexandre peut réaliser. La mauvaise humeur des baby-boomers ne pouvant ainsi pas être tout à fait exclue de l'équation écologique. Vous lisez l'avenir sur les tables des librairies, Aurélien ? Bah, je me disais en tout cas que l'écologie radicale manquerait de force, tout pendant qu'elle continuerait, boudeuse et janséniste, à se priver de l'appui tactique du merveilleux scientifique. Le futur a toujours été quelque chose qu'on ne sait plus à construire, jamais à détester. La crise écologique doit redevenir ni plus ni moins qu'un adversaire de conte de fées, un rite initiatique pour nos civilisations techniquement avancées. J'en reviens ainsi à mon histoire de baleine spatiale. Ça m'a rappelé ce qu'on écoutait en 1986, souvenez-vous, des disques entiers de chants de baleines. Personnellement, je n'ai jamais possédé ces étranges objets et pourtant, je me souviens que j'écoutais les choses assez proches. Au début des années 90, c'était le vrombissement silencieux de ma platine CD qui faisait, contrairement au bruit de canyons martiens des vinyles, un bruit blanc énigmatique. Et en passant d'une plage à l'autre, une oreille attentive percevait, derrière la fenêtre océanique des cristaux liquides, des silences abyssaux. C'était cela, le bruit que faisait l'univers dans mon enfance. Et est-ce que c'était vraiment proche du bruit d'une baleine ? Bah, je suis pas certain, c'est peut-être quelque chose que j'ai reconstruit a posteriori, mais je crois voir maintenant pourquoi ces images et ces sons me sont revenus. La baleine échouée dans l'espace, le bruit blanc de l'âge de l'information, tout cela désigne le dernier grand mythe du merveilleux scientifique, l'histoire de la mort bouleversante la semaine dernière du radiotélescope d'Arecibo, le Moby Dick de l'astronomie récemment harponné par son propre récepteur. Nous vivons depuis dans une bulle de silence, comme l'océan après la disparition de sa dernière baleine, mais nous allons revenir bientôt, c'est certain, je l'espère, à la surface de l'eau. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Avril Poignant-Le Goff, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert qui s'occupe du site internet de l'émission. Allez-y, il est extrêmement bien fait. Esther Valensic réalise pour vous cette série d'émissions sur Diderot. À la prise de son aujourd'hui, c'était Olivier Arnay. À la lecture des textes, Denis Podalides, à qui j'ai ajouté une particule tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe. Comme tous les vendredis, vous le savez, on donne la parole à ceux qui ont choisi de faire de la philosophie leur métier. Eh bien demain, nous serons en compagnie de la philosophe Marie-Frédérique Pellegrin. D'ici là, pour réécouter cette série d'émissions autour de Diderot, vous avez deux options. Vous pouvez soit aller sur le site de France Culture et réécouter les émissions en ligne, soit télécharger l'application Radio France. C'est très facile à faire et ça vous permet d'écouter les émissions en direct ou en téléchargement, en podcast, pour les écouter à l'heure de votre choix. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.